y leur humeur. Oui, j'aime les militaires. Que s'il ne veut pas m'entrer pas soit yon intelligent. Réponds, réponds, de mots doivent suffire. Réponds à la dame, que dois-je dire? Réponds, réponds, réponds. Dites-lui que je suis sensible. Je lui dirai. Son discours n'a rien de plus. Je lui dirai. Il est tout au cœur de mon père. Je lui dirai. De lui rendre sa politesse. Je lui dirai. Je dis tout ça, mais là, sur ma parole. Je n'y comprends rien, mais là, rien de rien. Et que le diable ici me patafiole. Si je connais cette personne. Rien. Ah, je le lui dirai. Son discours n'a rien de crédible. Je le lui dirai. Et de tout mon cœur, je m'empresse. Je le lui dirai. De lui rendre sa politesse. Je le lui dirai. Il a compris. Rien. Pour le moment. Absolument. Écoutant, écoutant. Moi, je suis intelligent. Il a compris. Rien. Pour le moment. Absolument. Écoutant, écoutant. Moi, je suis intelligent. Écoutant, je suis intelligent. Écoutant, écoutant. Je suis intelligent. Yeah. Comme un savon, ils

divin, ardente flamme, Vénus Adonis, gloire à vous, le feu brûlant, vos folles âmes, hélas, feu. Est-il pecteur? Thank you. Je suis en Alsacien. Quand une Alsacienne trouve un Alsacien, la main en la sienne. Chante à la ria Top de l'Alsacienne Top de l'Alsacienne Juppé Das Leben ist doch eine Freude Juppé Das Leben ist doch ein Plaisir Juppé Das Leben ist doch eine Freude Juppé Das Leben ist doch ein Plaisir Je suis Alsacienne Je suis Alsacienne Quand une Alsacienne Tu nous fais un Alsacienne Je suis Alsacienne Je suis Alsacienne Nous sommes des vrais Alsaciens Vivez nos balades, nos vieilles chansons Nos folles campagnes dans nos frégasons C'est dans nos familles qu'on voit Dieu merci Les plus belles filles, je dois croire ainsi C'est dans nos villages qu'on voit de tout temps Dès ce ménage que nos vieilles chansons Oui, dans nos villages, l'on voit de tout temps Oui, Qui, comme mère et mère, chante d'une voix fière Qui, comme mère et mère, chante d'une voix fière Das Leben ist doch eine Freude Das Leben ist doch ein Plaisir Das Leben ist doch eine Freude Das Leben ist doch ein Plaisir Rien ne faut Das Leben ist doch eine Freude, das Leben ein Plaisir.